LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Après de multiples mariages, divorces, pacs, dépacs, me voilà de nouveau seule, à 42 ans. Je dirais pas que ça m'angoisse, parce que toutes ces unions et désunions m'ont refroidi pour un moment, on peut pas dire que je sois prête à remettre le couvert, mais quand même. 42 ans et déjà une famille, pas sûr que je vaille grand-chose sur le grand marché du couple. Et toutes les statistiques me donnent raison. Refaire sa vie quand on est une femme, c'est affronter 1000 obstacles et c'est surtout faire le deuil de l'image idyllique de la relation. C'est abandonner la petite princesse en nous qui rêvait d'amour parfait et qui aujourd'hui est bien fatiguée. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour ? Une série documentaire d'Ovidie avec la participation de Tancred Ramonet, réalisée par Julie Béressy. Épisode 4, refaire sa vie. Est-ce qu'on a plus de chances de refaire sa vie quand on est un homme que quand on est une femme ? Est-ce que c'est toujours vrai, ça ? Refaire sa vie, c'est une drôle d'expression. Parce que, en fait, on continue sa vie toujours. Hein. Alors, disons d'avoir accès à une seconde union. Est-ce qu'on a forcément envie d'avoir accès à une seconde union après en avoir connu une première pas forcément agréable ? Pas forcément. Michel Bozon, sociologue à l'Institut national d'études démographiques. On s'aperçoit qu'en effet, les hommes vivent plus souvent une seconde union et plus rapidement que les femmes. Les femmes continuent leur vie sexuelle. Aussi, hein. Bon, les deux d'ailleurs, hein. Bon, c'est pas. Mais il est possible que certaines femmes, tout en ayant un partenaire, ne vivent pas avec lui, parce qu'elles ont la garde des enfants, hein, par exemple, et préfèrent vivre sans avoir une cohabitation avec un second homme. Donc vous mettez ça plutôt du côté de la préférence et pas de. La difficulté, finalement, de rencontrer quelqu'un quand on a déjà soi-même la garde des enfants. On pense souvent les pauvres femmes qui ne rencontrent personne. Moi, je dis qu'elles rencontrent des gens, même sexuellement, mais qu'elles n'ont pas forcément envie de former un couple avec elles. Mais en tout cas, aucun doute, si elles se mettent en couple, ça leur prend plus de temps que les hommes. Comme si les hommes, c'était eux qui vivaient le plus mal la situation et qui, peut-être, avaient à ce moment-là le plus de choix en termes d'âge des partenaires. C'est-à-dire qu'ils ont la possibilité de mettre en concurrence des femmes d'âge différent. Et puis, ils ont plus de liberté aussi. C'est-à-dire que s'ils subissent un divorce... Eux, en fait, ils vont quand même avoir le loisir de reconstruire leur vie parce que ben, c'est leur ex-femme qui va s'occuper des enfants. C'est pas eux, on le sait. Sabrina Erinjin, co-autrice de « Nos amours radicales, 8 visions singulières pour porter un regard nouveau sur l'amour ». Donc eux, ils vont avoir beaucoup de loisirs, beaucoup de temps à papillonner, à être dans cette liberté. Et ça crée un déséquilibre énorme parce que ben, derrière, si on a la femme du même âge... Qu'est-ce qui se passe ? Ben elle va avoir des enfants, elle aura divorcé aussi. Et elle va devoir s'en occuper, elle va pas pouvoir papillonner comme eux. Donc eux vont avoir l'opportunité de se reconstruire une vie. Pendant que nous, les femmes, on va être là, bon, ben on est bonnes à jeter. Enfin, qu'est-ce qui se passe ? Donc, ou peut-être on se prend un soixantenaire quand on en a 40. Enfin, on a l'impression que c'est un peu ça, quoi. Et puis, on le voit encore aujourd'hui, les couples autour de nous hyper glamourisés, comme je pense à Vincent Cassel ou Leonardo DiCaprio, qui adore les femmes bien plus jeunes. C'est quelque chose d'admis. Et moi, quand j'en parle sur Instagram, j'en parle beaucoup des différences d'âge comme un moyen de dominer les femmes. On me reproche d'être contre l'amour. Ben non, au contraire, en fait. Moi, je suis pour l'amour, mais l'amour, ça peut se jouer que sur un terrain d'égalité. Ça peut pas se jouer dans un terrain où quelqu'un a plus d'ascendant que l'autre. C'est pas possible, en fait. Ou alors, il faut vraiment qu'on travaille activement là-dessus. Bon, les hommes, ils travaillent pas beaucoup activement à l'amour. Révolutionner l'amour, non, voilà. Pas des masses. Donc, non. Remettre en considération leur domination sur les femmes, ça s'est pas beaucoup vu hein, ces derniers temps. Toi qui as un pied dans la tombe, fais gaffe où tu poses la main. Si elle glisse, si tu tombes, sur une peau de vache, c'est pas malin. Jeunes femmes et vieux messieurs, si elles n'ont pas d'amour, quelle importance. Jeunes femmes et vieux messieurs, de l'amour, ils en ont pour deux. En France, pour 6 couples sur 10, l'homme est plus âgé que la femme. Et dans seulement un couple sur 10, l'homme est plus jeune. Cette histoire d'écart d'âge au sein du couple hétérosexuel, on n'en sort toujours pas. Quand tu iras la décoiffer, jeunes femmes et vieux messieurs, s'ils n'ont plus de cheveux, quelle importance. Jeunes femmes et vieux messieurs, des cheveux, elles en ont pour deux. L'écart d'âge, d'abord, ça se voit qu'on n'en sort pas. C'est-à-dire qu'avec l'âge, les hommes vont demander de plus en plus des femmes plus jeunes et moins des femmes plus âgées alors qu'ils n'y étaient pas opposés étant plus jeunes. Et dans les secondes unions, les écarts d'âge s'accroissent en faveur des hommes. Et encore plus dans les unions à des âges avancés, hein, bon... 50, 60, 70, hein, bon, où là, il y a des écarts beaucoup plus importants qui se mettent en place. Hein, bon. Alors, comment expliquer ça? Alors, pour les jeunes âges, donc, un peu paradoxal, c'est peut-être plutôt les femmes qui recherchent des hommes un tout petit peu plus avancés, quand même, parce que c'est plus sûr. Et les hommes, dans ce cas-là, se laissent faire un peu. Et ensuite, les choses se renversent. C'est les hommes qui prennent un peu le pouvoir, des hommes qui veulent refaire leur vie, vont chercher des femmes qui n'ont pas encore complètement fait leur vie pour faire des enfants avec elles. Et puis, les femmes sont vraiment désolées, enfin, en tout cas celles qui cherchent à faire des rencontres, désolé de ne pas arriver à trouver de personnes plus proches d'elle par l'âge. Elle les cherche activement. Les hommes qui ont le même âge qu'elle vont chercher beaucoup plus jeunes. Donc c'est un aspect de domination, de hiérarchie. Et le fait aussi que les femmes qui cherchent sont beaucoup plus nombreuses que les hommes. Il y a moins d'hommes disponibles. Les hommes restent en couple le plus longtemps possible. Donc, il y a peu d'hommes disponibles. Donc, ils ont, d'une certaine manière, le choix entre, là encore, beaucoup de femmes. Donc, ce qui n'arrange pas les choses pour elles, il faudrait qu'elles puissent trouver des hommes plus jeunes, qu'elles osent les demander, mais bon, ça ne veut pas dire qu'ils vont les choisir. L'écart d'âge au sein du couple est intimement lié à notre représentation économico-sexuelle de la relation. Car la jeunesse est un capital qui permet aux femmes qui le souhaitent de mettre la main sur un bon parti. Et ça non plus, on n'en sort toujours pas. Ah, t'as retrouvé le texte sur le continuum des échanges économico-sexuels, c'est ça? Tancrède Ramonet. Ouais, c'est ça, regarde, c'est dans le livre de Delphine Chedaleux. T'as cet extrait là de Dallas qui est génial. Bon, alors, donc toi tu fais sous Hélène? Non, moi je fais Patricia. Non, tu rigoles. Non, c'est moi je joue pas sous Hélène. Sous Hélène, c'est la méchante, il est hors de question que je joue sous Hélène. Non, donc, Patricia, c'est la mère Ewing, donc elle est plus âgée, donc c'est moi qui fais Patricia. Non, c'est moi qui fais Patricia. Allez hop, c'est toi qui fais sous Hélène, c'est bon. Parti. Alors, donc Patricia. Sérieusement, hein, attention. Je suis pas très bonne actrice, hein, donc je ne m'attendais pas à te voir ce soir. JR est venu ce matin. Il a dû te demander où j'étais. En effet, oui. Tu ne vas pas te décider à parler de ma valise, maman. Ta valise? Elle a certainement coûté une fortune. Oui, c'est une valise qu'on ne peut se payer qu'en étant marié à un homme très riche. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de mal à être marié à un homme très riche. Et pourtant, tu as tort quand cet homme se trouve être J.R. Ewing. Ne dis pas ça. Regarde tout ce qu'il a fait pour toi. Moi, en fait, ce que je regarde, c'est tout le mal que tu t'es donné pour que je devienne la femme parfaite pour lui. Et j'ai réussi. Après la mort de ton père, j'ai consacré ma vie à cette réussite. A kiss on the hand, maybe quite continental, but I- girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat or help you out the automat. Autour de moi, paradoxalement, j'ai pas mal de copines féministes qui considèrent que se trouver un mec riche, c'est un juste retour des choses dans la mesure où il y a une inégalité salariale toujours persistante, que voilà, les femmes ont moins de ressources que les hommes. Et ben, j'ai quand même encore des copines féministes qui disent, ben non, finalement, prendre sa revanche sur le patriarcat, ça reste encore de se taper un mec pété de thunes pour pouvoir le plumer jusqu'au bout. Et finalement, la transaction économico-affective ou économico-sexuelle, elle est plus claire comme ça, ainsi, où tu dis, bah oui, moi je me cherche un bon parti pour me mettre à l'abri. Non mais qu'on plume qui ? Il y a des gens qui pensent qu'en relationnant avec des hommes, elle plume les hommes ? Manon Garcia, philosophe, autrice de La conversation des sexes, philosophie du consentement. Parce que ça se passe jamais comme ça, hein. Même si on utilise leur argent, c'est rien par rapport à tout ce qu'on donne en échange. Oui, c'est sûr, c'est un mauvais calcul sur le long terme, hein, ça c'est sûr. C'est un mauvais calcul sur le long terme, surtout quand on voit les chiffres sur les séparations, quand c'est la femme qui est malade versus l'homme qui est malade. Enfin, c'est effarant, je crois que c'est un truc comme 5% des couples mariés où l'homme a un cancer se séparent à la suite du cancer. 95% des couples mariés ou 90% des couples mariés où la femme a un cancer se séparent à la suite de ce cancer. Tellement les hommes, ils veulent pas prendre soin de leurs épouses et des femmes. Donc c'est un mauvais calcul, hein, le couple hétérosexuel. En plus, vraiment, toutes les études de sociologie montrent que les femmes qui ne sont pas en couple hétérosexuel sont globalement plus heureuses. Les études de satisfaction sexuelle montrent que les femmes lesbiennes sont beaucoup plus satisfaites sexuellement que les femmes hétérosexuelles. En gros, les gens qui sont satisfaits sexuellement, c'est les hommes homo, les hommes hétéros, les femmes lesbiennes. Et puis ensuite, il y a un groupe à part vraiment de dissatisfaction sexuelle, c'est les femmes hétérosexuelles. Donc c'est un mauvais plan de vivre avec des hommes pour en tirer des bénéfices cyniques. Attention, je vais dire quelque chose, je vais dire des gros mots, hein, mais existe intrinsèquement dans une espèce de psychologie de beaucoup de femmes sur le désir d'un homme puissant, protecteur, parce que c'est ça, l'argent c'est la protection. Camille Emmanuel, autrice de « Lettre à celle qui lit mes romans érotiques et qui devrait arrêter tout de suite ». Je pense qu'il y a à la base en fait une attraction pour une masculinité protectrice et puissante, etc. Mais avec un truc très de survie, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une époque où il valait mieux pouvoir nourrir ses propres enfants et soi-même pas mourir de famine, quoi. Donc, cette attirance pour le prince charmant vient aussi à un moment donné d'une époque où, en fait, c'était aussi une question peut-être de survie. Sauf qu'aujourd'hui, il y a quand même des études qui montrent que la violence conjugale est associée avec la figure du mâle alpha. Plus on va être en couple avec un homme physiquement et socialement dans un truc d'alpha, de pouvoir, etc., plus il y a de risques, en fait, de violence. Donc, en fait, est-ce qu'on n'est pas en train de jeter, là, des millions de jeunes femmes en disant « Allez vers ces hommes-là !» Et en fait, non, il faut aller vers des hommes qui ont fait un travail sur les questions de virilité, et puis peut-être qu'on a des centres d'intérêt moins basé sur le pouvoir et sur la thune et sur le fait de dominer et le monde et la planète et les femmes, quoi. Moi, je suis toujours un peu perplexe. D'un côté, je comprends sur le papier, et d'un autre côté, ça me laisse un peu perplexe parce que ça continue aussi à créer des inégalités dans le sens que, bah, je sais pas, les mecs ouvriers ou les mecs agriculteurs, ils sont encore, ou les mecs chômeurs, ils font encore partie des catégories de laissés pour compte dans la société et de ceux qui sont les plus célibataires, en fait. J'ai une petite frange d'amis, hommes, qui, en ce moment, c'est autour de moi, justifient le fait qu'ils vivent au crochet de leur nana par leur féminisme, en expliquant que ben non, en fait c'est bien, c'est elle qui assume les responsabilités, tout ça, c'est elle qui... Et d'ailleurs, et que c'est même la preuve de leur féminisme à eux, que justement ils ont décidé que c'était pas eux qui contrôlaient, c'était pas eux qui avaient l'argent, c'était pas ça, et eux ils vivaient en ne faisant rien ou presque. Et je trouve ça spectaculaire. Alors je pense que c'est pas des miroirs inversés, parce que je comprends l'argument que tu disais dans... disons, une stratégie un peu de révolte et d'émancipation. Je le crois beaucoup moins de la part des mecs qui veulent vivre au crochet de leur femme en expliquant qu'ils sont féministes. Je pense que c'est vraiment une des stratégies un peu ce qu'on appelle en espagnol, on dit des chulos, c'est vraiment le proxo. Ils ne font que reproduire des vieux comportements, finalement de gagne petit, vivent au crochet de leur meuf, quoi, avec les meufs qui assument toute la charge mentale et tout ça, mais qui en plus va assurer les revenus du foyer, quoi. Bon, j'avoue que la perspective du chulo, ça m'emballe pas. Me taper toutes les contraintes de l'hétérosexualité et me faire plumer en prime, non merci, j'ai déjà donné. Mais si on se fait avoir, si c'est si décevant, pourquoi est-ce que ça prend tant de place dans notre vie ? Je crois que c'est ça le problème de beaucoup de femmes, c'est qu'elles aiment vraiment beaucoup les hommes et que, en dépit de tout, elles relationnent avec des hommes. Après, ce qui est si difficile, c'est que l'amour, ça apporte tellement de joie, au début en tout cas. Il y a un truc, la vie est transfigurée par l'amour. C'est une expérience que j'ai la chance de faire au quotidien, parce que je suis pour l'instant dans une relation où l'amour se paye pas cher, il rapporte plein de joie. Le monde entier a une couleur plus joyeuse, la vie scintille de mille feux. Donc le problème, c'est ça. Si ça n'apportait pas autant de bonheur d'aimer quelqu'un et d'être aimé de quelqu'un qu'on aime, ce serait plus simple. Beauvoir, elle dit dans Le deuxième sexe, un truc très juste, c'est qu'elle dit que l'amour n'a pas le même sens pour les hommes et pour les femmes. Que pour les hommes, il est une chose parmi d'autres de leur existence, alors que pour les femmes, enfin, c'est pas tellement qu'elle dit que c'est toujours le cas, mais elle dit que les femmes sont invitées à penser que l'amour est l'essentiel de leur existence. Et que, évidemment, c'est l'occasion d'une oppression. Mais si on dit, ben, l'amour, c'est une partie de ce qui donne du sens à notre vie, et que de le concevoir comme l'essentiel, ça risque de nous fragiliser, de nous mettre dans une position de très grande vulnérabilité, renforcée par des vulnérabilités économiques, sociales, etc. Et donc, il faut s'efforcer que ça ne soit pas le cas, il faut s'efforcer de ne pas faire de l'autre notre alpha et notre oméga, etc. Là, c'est peut-être une façon de repenser l'amour, en fait. De dire, pour détricoter le lien entre amour et oppression, il faut essayer de penser l'amour comme le pensent les hommes. Le prince charmant, c'est simplement les femmes. Les hommes n'ont aucun rêve qui ressemble à ça de près ou de loin. Hein. Bon, donc, le prince charmant, c'est pour moi le symbole même de la dépendance affective des femmes dans l'idéologie romantique traditionnelle. C'est-à-dire l'idée qu'il y a un homme. Dans l'idéal, même, c'est un seul, en fait. Il y a un homme qui existe, qui va combler tous les besoins, bon, on va dire, insatisfaits, c'est-à-dire que les femmes sont incomplètes dans cette idéologie-là, qui va les compléter. Qui va les compléter, mais effectivement, avec une perte de son indépendance. Hein. C'est dans sa dépendance à cet homme qu'elle va se réaliser. C'est un peu ça l'idéologie romantique du prince charmant. Alors, on a beau dire ça et le critiquer depuis des décennies, eh bien, ça revient toujours, hein, ce rêve-là. Alors, il y a une expression plus récente et qui est un peu moins connotée que prince charmant, qui est « l'homme de ma vie ». Et donc, on s'aperçoit que c'est une expression qui a l'avantage quand même qu'on peut la mettre au pluriel. C'est-à-dire que l'homme de ma vie, c'est quand on n'en a connu qu'un. Mais après, ça peut devenir les hommes de ma vie ou les femmes de ma vie. L'homme de ma vie a des heures de vol, allongé dans les herbes folles. Lui et moi, on est à la colle. C'est pas toi, pourquoi tu t'affoles, l'homme de ma vie, dans ton miroir, tu peux le croiser tous les soirs. Il y a 2 mois, j'ai pris rendez-vous chez le chirurgien esthétique. Hein. J'étais genre, allez, c'est bon, je vais faire refaire mon nez, j'en peux plus. Puis après, je me suis dit, quand même, 5000 euros, ça fait beaucoup. Je les ai pas, en fait, c'est con, donc je l'ai pas fait. Est-ce que ça s'est produit après une rupture amoureuse ou une déception amoureuse? Parce qu'il paraît que statistiquement, évidemment, on pousse les portes du chirurgien esthétique quand on vient de se faire larguer ou y conduire. Évidemment. Évidemment, c'était juste après qu'un crush m'ait hyper maltraité. Il paraît que je suis une fille extraordinaire. Mais vraiment, je suis extraordinaire. Voilà, mais il n'y a pas le truc. Alors je me suis dit, peut-être le truc, c'est mon nez. Non, mais je ris, mais... Non, mais moi, c'est pareil. Un jour, j'ai voulu me faire refaire les seins parce que mon mari m'avait trompée, si tu veux. Donc, j'ai abandonné l'idée au bout d'une semaine. Non, mais voilà. Bien sûr, voilà, ce genre de choses arrive, évidemment. Évidemment, et c'est ça, et on se déteste. Et le temps qu'on passe à se détester, à quémander, parce qu'on quémande la validation des hommes pour exister, et pour se dire qu'on mérite d'être là et qu'on est des êtres à part entière, mais tout ce temps, on ne le passe pas à s'émanciper, en fait. Et en même temps, bah, c'est compliqué, parce qu'on s'émancipe comment? Moi, je veux bien, hein, je suis restée célibataire 3 ans. C'était génial, hein. Ouais, j'étais hyper émancipée. Hein. Et pour le coup, j'étais Wonder Woman. Vraiment, rien ne m'arrêtait. C'est là où j'ai vraiment été le plus créative, le plus productive. Enfin voilà, c'était vraiment une période de ma vie où je me suis aimée, mais vraiment, genre, personne n'a pu m'aimer comme je me suis aimée à ce moment-là, quoi. C'était génial, parce que personne ne pouvait m'atteindre et je me trouvais tellement badass, c'était trop cool. Sauf que... Bah, c'est con, mais il y a un moment où tu te dis, putain, je suis tellement badass que j'ai quand même envie de le partager avec quelqu'un, en fait. Et puis tu retombes dans les schémas dans lesquels tu croyais ne plus jamais tomber, où tu cherches cette validation des hommes, où tu cherches à tout prix à pas vieillir, à pas t'enlaidir, où tu cherches la skincare routine du matin la plus efficace, où tu dépenses du coup 150 balles dans de la crème un soir juste parce qu'il y a un mec qui t'a dit non, tu me plais pas. Et que tu l'as pas supporté, parce qu'on est conditionné à ça, en fait. On est conditionné à être sensible au regard des hommes. Et c'est d'une tristesse. Mais ouais, le célibat, c'est une bonne façon de révolutionner l'amour. Mais je pense pas que ce soit pérenne. Ça marche, quelques années. Mais je crois qu'on est quand même des êtres fondamentalement amoureux. On aime ça, aimer. On a besoin de ça, aimer. Mais heureusement, on a nos amis, hein. Pour compenser un peu. Au final, si c'est si pourri, pourquoi est-ce qu'on y retourne toujours? Ben parce que c'est super en même temps. Et je pense que, enfin bon, c'est une comparaison à laquelle il faut faire attention par respect pour les gens qui galèrent vraiment avec ça, mais c'est comme de la drogue dure, c'est-à-dire que c'est super au début. Et qu'après, on ne cesse d'essayer de retrouver ce qu'il y a de si super au début. Je veux dire, la chanson d'un Souchon, « Passer notre amour à la machine pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir ». Mais c'est ça qu'on essaye tous et toutes de faire. C'est tout le temps de passer notre amour à la machine et de retrouver le moment où on oublie sa station de métro, où on se dit que c'est super, etc. Après, je voudrais quand même tempérer un peu ce que je dis moi-même. Avec le fait qu'il y a quelque chose de mauvais dans le fait de mélanger la passion et l'amour. Et que moi, une des choses que je trouve merveilleuse dans l'amour, c'est ce qu'on ne voit pas de l'amour, ce qui n'est jamais montré. C'est le quotidien, en fait. Et je me demande toujours pourquoi, dans une comédie romantique, etc. Enfin, je me demande pourquoi, j'ai une réponse, hein. Mais pourquoi ça s'arrête toujours au moment où ça commence, en fait ? Parce que l'amour, à la différence de la passion, c'est ce truc de se retrouver tous les jours et que ce soit vraiment, ou pas tous les jours pour des gens qui vivent pas ensemble, mais que dans la durée ce soit une joie, que dans la durée on construise quelque chose ensemble, un langage particulier, des joies, des souvenirs. Mais ça, en fait, c'est banal et lent et ça peut être heureux d'une façon qui n'est pas tellement montrable parce qu'il n'y a pas grand-chose à montrer. C'est juste que ça rend la vie plus douce et plus joyeuse à chaque instant. Ce qui est joyeux dans l'amour, c'est pas d'attendre un texto et que le texto arrive et qu'on débriefe avec les copines et qu'on ait des papillons dans le ventre, etc. En fait, ce qui, à mon sens, peut avoir de plus beau dans l'amour, c'est quand il n'y a plus les papillons dans le ventre, justement. Mais cet endroit-là, il est tellement vulnérable à la domination. Parce qu'une fois qu'il n'y a plus les papillons dans le ventre, il faut passer l'aspirateur. Schöner, größer, härter, straffer, glatter, stärker. C'était Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour ? Refaire sa vie. Avec Michel Bauzon, Manon Garcia, Camille Emmanuel et Sabrina Erinjin. Von den Augen, Nase fräsen, Fett wegsaugen, wir entfernen, rasch zwei Rippen, Schlauchboot basteln, aus den Lippen, in die Wangen, in die Stirn, Botox rein, bis ins Gehirn. Zick, zack, zick, zack, schneid es ab. Kurz und knapp. Alles Schlaffe überm Kinn kann man in den Nacken ziehen. Implantate ins Gefräß und wir liften das Gesäß. Messertupfer voll Narkose. 7 Kilo Reiterhose und Bauchfett in die Biotonne. Der Penis sieht jetzt wie der Sonne. Zick, zack, zick, zack, schneid das ab. Alt. Deine Zeit läuft langsam ab. Wer schön sein will, der muss auch leiden. Aus und weg und abschneiden. Nadelfaden schwerlich. Doch ohne Schmerzen geht es nicht. Schön sein will.